إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Après avoir évoqué les circonstances du meurtre de la chamelle, qui était venu comme un signe d'Allah tabaraka wa ta'ala pour conforter et confirmer la prédication du prophète Salih alayhi salat wa salam, ils n'éprouvèrent aucun scrupule et aucun regret. Et ils décidèrent de s'attaquer au prophète Salih alayhi salat wa salam. D'ailleurs, ils lui rappelèrent qu'ils ne voyaient en lui aucun bien et qui était même porteur de malheur. قال الله تبارك وتعالى قالوا طيرنا بك وبمن معك. Sourate numéro 27, le verset 47. Ils dirent: nous voyons en toi et en ceux qui sont avec toi des porteurs de malheur. L'imam Abdurrahman ibn Sa'di rahimahullah تبارك وتعالى a dit en commentaire de ce verset coranique: ils dirent au prophète Salih alayhi salatu wa salam, en le démentant et en s'opposant à lui, nous voyons en toi et en ceux qui sont avec toi des porteurs de malheur. Ils prétendirent par ceci qu'ils ne voyaient en la personne du prophète Salih alayhi salatu wa salam aucun bien. Lui ainsi que les croyants qui étaient avec lui, et qu'il constituait une cause par laquelle ils étaient privés de certaines de leurs aspirations mondaines. Alors le prophète Salih alayhi salat wa salam qala ta'irukum 'inda Allah bal antum qawmun tuftanun. Il dit: votre sort dépend d'Allah, mais vous êtes plutôt des gens qu'on soumet à la tentation. C'est-à-dire que votre sort et votre situation et le fruit de vos péchés. De plus, vous êtes soumis à la tentation par l'aisance, tantôt par l'adversité, tantôt par le bien et tantôt par le mal, afin de savoir si vraiment vous délaisserez les péchés et exprimerez un repentir sincère envers Allah. Telle était leur manière d'agir vis-à-vis de leur prophète Salih alayhi salatu wa salam, et comment ce dernier se comportait vis-à-vis d'eux. Par la suite, ils franchirent un palier dans la transgression et décidèrent de le tuer afin d'en être débarrassés. Ils se réunirent et s'entendirent sur un plan d'action. Allah rapporte cet événement et dit: وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْتِ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدَنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. Sourate numéro 27, les versets 48 et 49. Et il y avait dans la ville un groupe de 9 individus qui semaient le désordre sur terre et ne faisaient rien de bon. Ils dirent: jurons par Allah que nous le tuerons de nuit, lui et sa famille. Ensuite, nous dirons à ceux qui sont chargés de venger sa mort: nous n'avons pas assisté à l'assassinat de sa famille et nous sommes sincères. Il y avait donc un groupe de 9 personnes prêts à s'opposer au prophète Salih alayhi salat wa salam, à sa personne et à sa religion. Le prophète Salih avait déjà fait allusion à ce groupe de personnes qui commettaient la corruption sur terre et incitaient les autres à faire de même. En réalité, ce sont les plus hauts dignitaires parmi le peuple de Samoud, ceux à qui on ne refusait rien, ceux qui avaient le pouvoir, ceux qui avaient l'assise et ceux qui s'enflaient d'orgueil. Le prophète Saleh avait dit فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. Dans Sourate 26, les versets 146 à 152. Craignez donc Allah et obéissez-moi. N'obéissez pas à ceux qui ont dépassé les limites, qui répandent la corruption sur la terre et n'arrangent rien. L'imam Abdurrahman ibn Sa'd, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, avait dit, concernant ces versets coraniques, craignez Allah et obéissez-moi. N'obéissez pas à tous ceux qui ont dépassé les limites, parmi ceux qui commettent la corruption sur terre et ne réforment rien. Ceux-là même qui ont pour habitude de commettre la corruption sur terre en commettant toutes sortes de désobéissances et en invitant les gens à celle-ci. C'est comme s'il y avait parmi eux des gens prêts et formés à s'opposer à leur prophète et à appeler à l'égarement, des gens réfractaires à la vérité. C'est pour cette raison que le prophète Salih, alayhi salat wa salam, leur interdit d'être trompés par ces derniers. Il se peut que ces gens-là soient ceux cités dans le verset suivant, et il y avait dans la ville un groupe de 9 individus qui semaient le désordre sur terre et ne faisaient rien de bon. Alors qu'ont-ils dit? Ils dirent, jurons par Allah, chacun à notre tour, que nous le tuerons de nuit, lui et sa famille. Ensuite, nous dirons à ses alliés, à ceux chargés de venger sa mort, nous n'avons pas assisté à l'assassinat de sa famille et nous sommes sincères et véridiques. C'est-à-dire que nous allons le prendre par surprise dans sa demeure et le tuer, lui et sa famille, puis nous nierons en jurant sur cela, si ses parents veulent venger sa mort. Les historiens rapportent qu'Allah envoya des anges avec des pierres qui leur fendirent la tête et les tuèrent du premier au dernier. Quant au reste du peuple, ils étaient dans l'expectative d'un éventuel châtiment qui devait se produire dans les 3 jours. Les circonstances de la mort de ces 9 personnes sont à prendre conditionnel car nous n'avons pas de chaîne de transmission authentique qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous expliquant et mettant en valeur la manière dont ils furent tués. Quoi qu'il en soit, Allah se vengea d'eux et préserva son prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur manigance et de leur stratagème. Concernant le reste du peuple, du fait qu'ils avaient soutenu ceux qui avaient tué la chamelle, ils furent concernés par le châtiment qui allait survenir dans les 3 jours. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, et les historiens d'une manière générale, et même les commentateurs du Coran, dans leur exégèse, relatent l'événement que je vais vous citer. Cependant, il est aussi à prendre au conditionnel. Car, premièrement, on n'a pas de chaîne de transmission qui nous validerait l'information. Deuxièmement, il vient contredire un verset coranique. Mais je vous le cite quand même afin que vous puissiez être informé si vous êtes amené à le lire dans un de ses livres de référence. L'imam Ibn Kathir rapporte. Il dit que le premier jour, à savoir le jeudi, le premier jour de l'ultimatum, donc ils tuèrent la chamelle le mercredi, et le jeudi fut le premier jour avant l'ultimatum, avant le châtiment. Il dit, le premier jour passé, à savoir le jeudi, leur visage était pâle. Au soir, ils s'écrièrent tous, un jour de l'ultimatum n'est-il pas passé, sur le ton de la moquerie et du sarcasme. Puis au deuxième jour, le vendredi, leurs visages virèrent au rouge. Mais le soir venu, ils s'exclamèrent, 2 jours de l'ultimatum ne sont-ils pas déjà passés? Au troisième jour, à savoir le samedi, leur visage devint noir. Et le soir venu, ils s'écrièrent encore, les 3 jours d'ultimatum ne se sont-ils pas écoulés? Ce qui est authentique, barakallahu fikoum, est que le prophète Saleh, alayhi salat wa salam, leur dit de profiter pendant 3 jours. تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. Profitez pendant 3 jours avant l'avènement du châtiment. Ils profitèrent de ces 3 jours dans l'insouciance la plus totale. montrant même parfois des signes de moquerie et de raillerie envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand arriva alors le dimanche matin, ils se regroupèrent, orgueilleux, attendant le châtiment du jour sans savoir ce qu'il adviendra de leur cas. Lorsque le soleil est apparu, un cri assourdissant vint du ciel et une puissante secousse les ébranla, causant leur mort immédiate. Les âmes quittèrent les corps, la vie cessa, le calme régna, la vérité s'accomplit et ils gisèrent dans leur demeure sans vie. Allah dit à cet effet, tabaraka wa ta'ala, وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Sourate numéro 27, les versets 50 à 53. Alors ils élaborèrent une ruse et nous en élaborâmes une, sans qu'ils ne s'en rendent compte. Regarde donc ce qu'a été la conséquence de leur stratagème. Nous les fîmes périr, eux et leur peuple au complet. Voilà donc leur maison vide à cause de leurs méfaits. C'est bien là un signe pour des gens qui savent, et nous sauvâmes ceux qui avaient cru et nous craignaient. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. Sourate numéro 11, le verset 68. Et le cri saisit les injustes et les voilà foudroyés dans leur demeure. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. Le cri donc les saisit en toute justice, puis nous les rendîmes semblables à des débris emportés par le torrent. Que disparaissent à jamais les injustes. Sourate numéro 23, le verset 41. Puis Allah dit, tabaraka wa ta'ala, فَأَخَدَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Sourate numéro 7, le verset 78, le cataclysme les saisit, c'est-à-dire le tremblement de terre les saisit, et les voilà étendus, gisant dans leur demeure. كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ. Allah dit dans la sourate numéro 11, verset 68, ce fut comme s'ils n'avaient jamais prospéré auparavant. En vérité, les Thamouds n'ont pas cru en leur Seigneur. Que périssent les Thamouds. Ce châtiment s'abattit sur eux. Eux qui pensaient être à l'abri d'un éventuel châtiment en construisant ce type de demeure. En effet, ils avaient eu connaissance du châtiment qui s'était abattu sur le peuple de Had, un vent violent qui arracha tout sur son passage. Mais Allah vint à eux, d'où ils ne s'y attendaient pas. Ce cri les saisit au sein de leur demeure, et la terre trembla sous leurs pieds. Où qu'ils se trouvaient, ils étaient destinés à périr, et leur demeure, construite dans la pierre, ne leur fut d'aucun secours. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah wa tabaraka wa ta'ala, rapporte aussi un hadith dans lequel il est fait mention d'un homme surnommé Abu Rihal. Abu Rihal. D'après Jabir Ibn Abdillah, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam passa près de la région de l'Hijr, l'endroit où habitait le peuple de Thamoud, et dit à ses compagnons, ne demandez pas de signes, car le peuple de Salih l'a fait et la chamelle leur fut envoyée. Elle venait de ce col et y revenait, mais les Thamouds désobéirent au commandement de leur seigneur et ils la tuèrent. Elle buvait leur eau un jour, et il buvait de son lait un jour. Ils l'ont tué, et un cri venant du ciel les surprit, et les extermina tous, à l'exception de l'un d'entre eux, qui était sur le territoire sacré d'Allah, c'est-à-dire proche de la Mecque. Ils dirent, quelle est cette personne, ô messager d'Allah? Il dit, il s'agit de Abu Lirol. Et lorsqu'il sortit du territoire sacré, il fut anéanti comme les siens. C'est un hadith qui a été rapporté par l'imam Ahmed sur le numéro 14160 et authentifié par Ahmed Shakir dans la préface de son explication du Coran, Umdatut Tafsir. Cheikh Mokbil l'a aussi authentifié dans Sahih Dalail al-Nubuwa, dans son livre Sahih Dalail al-Nubuwa, et a dit qu'il est sahih, qu'il est authentique selon les conditions de l'imam muslim. De même, nous avons une autre version de ce hadith, d'après Abdullah ibn Amr, qui rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, lorsque nous partîmes avec lui vers Taif, et que nous passâmes devant une tombe, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, voici la tombe de Abi Rihal, qui est l'ancêtre des Thaqifs. Il faisait partie du peuple de Thamoud. Sa présence dans l'enceinte sacrée repoussa le châtiment sur lui. Lorsqu'il en sortit, il fut touché à cet endroit par le châtiment que son peuple avait subi et fut enterré ici même. Et le signe de cela est qu'il fut enterré avec une branche en or. Si vous creusiez, vous la trouveriez. Les gens se précipitèrent et purent en extraire la branche. On remarque à travers ces deux hadiths que personne parmi les mécréants du peuple de Thamoud ne fut épargné, quand bien même certains d'entre eux pouvaient se trouver à des kilomètres de la région d'Al-Hijr, la région d'Al-Hijr au nord de la péninsule arabique. Non. Quant aux croyants, ceux-là même qui avaient ajouté foi au prophète Salih, ils furent sauvés et épargnés de ce châtiment. Allah ordonna à son prophète, ainsi que ceux qui avaient cru en lui, de quitter la ville avant l'avènement du châtiment et de rester aux abords de celle-ci. L'imam Ibn Kathir soutient le fait que lorsque le châtiment s'abattit et que tous périrent, le prophète Salih revint sur ses pas et dit « Fatawalla anhum wa qala ya qawmi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin » En sourate numéro 7, le verset 79. « Ô mon peuple, je vous ai transmis le message de mon Seigneur et vous ai conseillé sincèrement, mais vous n'aimez pas les conseillers sincères. » C'est-à-dire, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir à travers mes propos, mes actes, mon intention, pour vous guider vers la vérité, mais vous n'acceptez pas et ne désirez pas la vérité. Et c'est ce qui causa votre perte et vous fit mériter le châtiment douloureux éternel. Je ne peux plus rien pour vous et je suis dans l'incapacité de lever le supplice qui est le vôtre. J'ai accompli ma mission et fait tout mon possible pour vous transmettre le message et vous conseiller. Mais Allah fait ce qu'il veut. Après ces mots, il tourna le dos et partit avec les siens en direction du Shem du Nord. L'imam Ibn Kathir aussi met en parallèle les propos de Salih alors qu'il s'adresse à des gens qui viennent de périr, des gens qui sont morts. Comment peuvent-ils entendre ces propos? Il met en parallèle ceci avec les propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après la bataille de Badr. En effet, à l'issue de cette bataille et après la victoire des musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam marcha parmi les morts, parmi les polythéistes et leur dit « Ô gens de Badr, avez-vous rencontré ce que votre Seigneur vous a promis? Quant à moi, j'ai trouvé ce qu'il m'a promis. » Quant à l'imam Tabari, il soutient que le départ du prophète Salih fut avant que le châtiment ne s'abatte sur ce peuple. Et il leur a dit avant de partir, « Ô mon peuple, je vous ai transmis le message de mon Seigneur et vous ai conseillé sincèrement, mais vous n'aimez pas les conseillers sincères. » En conclusion, Allah le Très-Haut, Tabaraka wa Ta'ala, les anéantis jusqu'au dernier, laissant pour seul vestige leur demeure vide, qui serviront de signes pour les générations postérieures, qui resteront telles des exhortations pour ceux qui savent et qui réfléchissent. Quelle fut donc la conséquence de ceux qui traitaient de mensonges les signes d'Allah? Ils ne récoltèrent que la perdition, le châtiment et l'enfer éternel. Écoutez ces versets coraniques. يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الله dans le sens des versets تبارك وتعالى dit dans la sourate numéro 22 les versets 42 à 46: Et s'ils te traitent de menteur, ô Mohammed, sache que le peuple de Nour, les Ad et les Thamoud avant eux ont aussi crié au mensonge vis-à-vis de leurs prophètes. De même que le peuple d'Ibrahim, le peuple de Lot et les gens de Madian. Et Moussa fut traité de menteur. Puis j'ai donné un répit aux mécréants, ensuite je les ai saisis. Et quelle fut ma réprobation? Que de cités donc avons-nous fait périr parce qu'elles commettaient des tyrannies? Elles sont réduites à des toits écroulés, que de puits désertés, que de palais édifiés tout aussi désertés. Que ne voyagent-ils sur la terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre et des oreilles pour entendre, car ce ne sont pas les yeux, mais bien les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Car ce ne sont pas les yeux, mais bien les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. L'imam Abdurrahman ibn Sa'di a dit, Arhamallah tabarak wa ta'ala, que ne voyagent-ils sur terre par leur personne et par leur cœur afin que ces derniers puissent comprendre les signes d'Allah et méditer dessus? Et des ouïes pour entendre les récits des anciennes nations et des peuples châtiés? Car le simple fait de voir par les yeux, ou d'entendre par les oreilles, ou de voyager par sa personne, tout ceci dénué de méditation et de prise de conscience, n'est pas profitable et ne mène pas à l'objectif souhaité et voulu. C'est pour ceci qu'Allah dit, car ce ne sont pas les yeux, mais bien les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Cet aveuglement et cette cécité qui est néfaste pour la religion de la personne est la cécité et l'aveuglement du cœur sur la vérité. De telle sorte que celui qui est ainsi ne peut voir cette vérité comme un aveugle ne peut voir les choses. Qu'Allah fasse miséricorde au prophète vertueux Salih alayhi salatu wassalam, ainsi qu'à tous ceux qui l'ont suivi sur la vérité. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضى ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم Wajazakumullah al-jaza pour un prochain cours, inshallah tabarak wa ta'ala, avec le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.